ses genoux. Dehors la nuit, Madame Musique t'a donné sa robe de satin. Dehors la nuit, le renard court dans l'horizon du matin. Dehors la nuit, je me retire de ce monde en espérant. Dehors la nuit, la mort te berce sous son aile. Demande-lui. Dehors la nuit, ne t'étonne pas si un jour tout vient de là. Dehors la nuit.